Il y a des jours, ça vient tout seul. T'écris de lignes et tu fredonnes. Et ta chanson s'écrit comme ça, vers après vers, bien malgré toi. Mais il y a des jours, ça ne vient pas, et toi tu restes bloqué comme ça, le stylo à la main, alors tu te resserres du vent. Mais l'ivresse ne t'aide pas, et toi tu restes bloqué comme ça, ta chanson ne s'écrit pas, vers après vers, bien malgré toi. Il y a des jours, sans y penser, tu es génial, sans le mériter. Oh, tu alignes les fulgurances, sans jamais sortir ta transe. Tu n'as plus le temps de boire ton vin, tu enchaînes les alexandrins. Et ta chanson s'écrit comme ça, vers après vers, bien malgré toi. Mais il y a des jours ça ne vient pas, et toi tu restes bloqué comme ça, le stylo à la main, alors tu te resserres du vent. Mais l'ivresse ne t'aide pas, et tu restes bloqué comme ça, ta chanson ne s'écrit pas, vers après vers, bien malgré toi. Il y a des jours, tu en as marre, le stylo au fond du tiroir. Tu ne veux plus écrire ni boire, tu veux tout oublier de cette histoire. Mais un truc te trotte dans la tête, tu ressors ton stylo et tu regrettes de pas avoir acheté de vin. Tu vas en avoir besoin, car il y a des jours ça ne vient pas, et toi tu restes bloqué comme ça, le stylo à la main, alors tu te resserres du vin. Mais l'ivresse ne t'aide pas, et toi tu restes bloqué comme ça, ta chanson ne s'écrit pas, vers après vers, bien malgré toi.